Le saint n'a point de sentiments immuables. Il adopte les sentiments du peuple. Celui qui est vertueux, il le traite comme un homme vertueux. Celui qui n'est pas vertueux, il le traite aussi comme un homme vertueux. C'est là le comble de la vertu. Celui qui est sincère, il le traite comme un homme sincère. Celui qui n'est pas sincère, il le traite aussi comme un homme sincère. C'est là le comble de la sincérité. Le saint vivant dans le monde reste calme et tranquille et conserve les mêmes sentiments pour tous. Les sans famille attachent sur lui leurs oreilles et leurs yeux. Le saint regarde le peuple comme un enfant.